Et Jaïrus, face à ce défi, a décidé de venir voir Jésus. Mais la Bible nous relate aussi que, alors que Jésus voulait quitter ces lieux, ces bords-là, à l'autre rive, pour aller dans la maison de Jaïrus, il a rencontré aussi une femme qui était aussi dans la souffrance. Pendant 12 ans, la Bible dit qu'elle avait tout vendu, mais elle n'avait pas trouvé de solution. Et le temps que Jésus est en train d'opérer avec cette femme, la Bible montre qu'il y a des gens qui quittent déjà la maison du chef de la synagogue, qui viennent rencontrer le chef de la synagogue, Jaïrus, pour lui dire « Il ne faut plus importuner le maître. » Parce que l'enfant pour lequel tu es venu chercher le maître est mort. Alléluia. Mais ce que j'aime la réaction de Jésus, c'est que Jésus dit « Ne crains point, mais crois seulement. » Crois seulement. Bien-aimé, ce matin, nous sommes en train de parler sur un thème que nous avons intitulé « Ce que la décision de Jaïrus nous enseigne. » Ce que la décision de Jaïrus nous enseigne. Tout au long de ce message, nous allons parler de trois grands points. Le premier point concerne les raisons et le but de ce message. Pourquoi ce message? Et au deuxième point, nous serons en train de parler de quelques principes attachés aux décisions. Et au troisième point, nous allons aborder l'aspect de ce qui s'est passé dans la vie de Jaïrus. Parce que Jaïrus a pris la décision et il est allé. Après avoir pris la décision, quelque chose s'est passé dans sa vie. Pourquoi alors ce message? Bien aimé, ce message court ou poursuit trois buts, trois objectifs. Premièrement, nous amener à prendre conscience de ce qu'est une décision. Bien aimé dans le Seigneur, la vie n'est pas faite pas seulement de répétitions et de routines, mais sous l'effet du désir et de la nécessité, s'impose un changement dans le cours des choses. C'est-à-dire, à un certain moment, nous devons nous arrêter dans notre vie et nous devons voir qu'est-ce qui ne marche pas. Il est possible qu'on peut être étudiant, on peut être professionnel, on peut être serviteur de Dieu, on peut être tout ce qu'on peut être, un homme d'affaires, mais à un certain moment, il faut s'arrêter pour voir qu'est-ce qui n'avance pas, afin d'apporter un changement dans la vie. Parce que quand les choses n'avancent pas, il faut du tout chercher la raison et vouloir prendre des décisions par rapport à ça. Le deuxième objectif, c'est de nous amener à comprendre que toutes les décisions que nous pouvons prendre dans la vie apportent des modifications dans notre vie. Toutes les décisions que nous pouvons prendre ne nous laissent pas intactes, mais elles apportent des changements. C'est pourquoi la Bible est en train de dire dans Job chapitre 22, verset 28, « À tes résolutions répondra le succès. » En d'autres termes, à tes résolutions répondra aussi l'échec. C'est que toute décision que nous pouvons prendre peut influencer soit en bien, soit en mal, notre vie. Et troisième objectif, c'est de nous amener à avoir des attitudes que nous allons développer tout au long de ce message. Quels sont alors les principes attachés aux décisions? Le premier principe, c'est que décider, c'est faire un choix. Faire le choix d'une chose de préférence à d'autres. Et ce choix que je peux faire se fait sur base d'une raison. Je disais au premier culte qu'on peut être dans la fête, on est face à une table pleine de menus. Mais vous allez voir que la personne ne prend pas tout. Et il est possible qu'il peut prendre tout, c'est sa décision. Mais il peut prendre quelque chose, il laisse d'autres aussi. Pourquoi? Parce qu'il préfère cela par rapport à d'autres. C'est sa décision. On peut être face à des bourses d'études, par exemple. Un étudiant face à des bourses d'études pour aller continuer ses études. On te propose États-Unis, on te propose Cameroun. C'est à toi de prendre la décision. Tu peux choisir soit d'aller aux États-Unis, tu peux choisir soit d'aller au Cameroun. Cela dépend de toi. C'est-à-dire la décision, c'est faire le choix d'une chose ou d'une personne à préférence d'autres choses ou d'autres personnes. Deuxième principe, c'est que décider, c'est s'attacher à une chose qu'à l'autre, volontairement. Il y a exercice de la volonté dans la prise de nos décisions. Je préfère telle personne par rapport à l'autre. On le voit beaucoup plus quand on veut se marier. On peut préférer telle sœur ou tel frère par rapport à l'autre. Et on s'attache à cette personne volontairement. Bien aimé, chaque fois qu'il y a une prise de décision, il y a attachement à quelque chose. Et au-delà de s'attacher à quelque chose, il y a aussi le détachement de quelque chose. C'est-à-dire, je peux m'attacher et me détacher d'une chose ou d'une autre. C'est pourquoi on peut dire que je m'attache à Patty et je me détache de Robert. Je m'attache à X et je me détache de Y. Chaque fois qu'il y a une décision, il y a préférence d'une chose, nous avons dit. Chaque fois qu'il y a décision, il y a des raisons qui motivent. C'est vrai que quelquefois, on peut manquer de raisons. Parce qu'à certaines fois, tu peux demander à quelqu'un, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu t'es attaché à telle personne. Il te dira, je ne sais pas, mais je me suis senti m'attacher à lui. Mais au départ, il y a des motivations qui font quoi? Qui font qu'on s'attache à quelque chose ou à quelqu'un. Quand il y a une décision, il y a aussi un engagement. On s'engage à faire quelque chose. C'est la décision qui nous pousse à le faire. Bien aimé, troisième principe. Se décider est une réalité à double facette. Se décider est premièrement un privilège, un avantage. Mais aussi, au-delà de l'avantage, c'est une responsabilité. Responsabilité parce que je dois m'assumer des conséquences qui peuvent provenir de la décision que j'ai prise. C'est pourquoi la Bible dit, dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, j'en prends aujourd'hui le ciel et la terre en témoin. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Qu'est-ce qui se passe? Dieu nous met face à des choix à faire et à des décisions à prendre dans notre vie. On est libre de prendre n'importe quelle décision. Mais il faut comprendre que la décision qu'on peut prendre, on doit l'assumer. Un autre principe. Les décisions que nous prenons dans notre vie font de nous des acteurs de notre vie. C'est-à-dire, nous ne subissons pas, mais nous participons, nous contribuons au devenir de notre vie. La décision que je peux prendre aujourd'hui, quand je la prends, je dois me rendre compte que je suis en train de participer au futur, au devenir de ma vie. Les décisions font de nous des acteurs. C'est pourquoi on peut voir un étudiant qui choisit telle filière, il préfère telle filière à une autre. C'est son choix. Mais parce qu'il est acteur à sa vie, cela va apporter normalement quelque chose dans sa vie. Nous allons voir tout à l'heure comment cela peut se faire. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de ces principes afin d'établir une base pour que nous puissions comprendre la décision que Jaïris a prise dans sa vie et qu'est-ce qui lui a apporté dans sa vie. Un autre principe, c'est que nos décisions influencent et gouvernent la qualité de notre vie. Les décisions que nous prenons influencent et gouvernent la qualité de notre vie. Ces décisions peuvent nous enrichir, soit nous appauvrir. Ces décisions que nous prenons peuvent nous élever ou nous abaisser. Elles apportent toujours des modifications. Elles les influencent, elles gouvernent la qualité de notre vie. C'est pourquoi nous devons comprendre que notre futur dépend des décisions d'aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui dépend des décisions que tu as prises hier, ou peut-être il y a quelques années. Ce que je suis aujourd'hui est fonction des décisions que j'ai prises il y a autant d'années. Chacun de nous connaît ce qu'il est aujourd'hui. Et si tu te rappelles un peu, ça peut partir déjà des décisions que tu as prises un jour. Alléluia. Donc ce qu'on peut devenir aussi demain dépend des décisions aussi que nous pouvons prendre aujourd'hui. Nous voyons dans le jardin d'Éden avec Adam, dans Genèse chapitre 3, la Bible dit que Dieu a créé Adam et Ève et les a placés dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden symbolise un environnement de gloire. Mais la Bible dit quoi? Quand ils ont péché, ils ont été chassés du jardin. C'est-à-dire, ils ont décidé de pécher. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est être chassé du jardin. C'est pourquoi je disais que les décisions que nous pouvons prendre aujourd'hui peuvent nous élever, ces décisions peuvent nous abaisser aussi. Ces décisions peuvent nous conduire à la richesse et les décisions peuvent aussi nous conduire à la pauvreté. Combien on n'a pas vu des gens qui se sont décidés, bien sûr, de ne pas étudier. C'est vrai d'eux-mêmes, il est possible. Il s'est dit que moi je n'étudie pas. Mais ce qu'il est en train de vivre ou elle est en train de vivre aujourd'hui dépend de la décision qu'elle a prise hier ou avant-hier. Les décisions que nous prenons influencent la qualité de notre vie. Nous voyons dans Genèse chapitre 27, il s'agit de l'histoire d'Ésaü et de Jacob. À cause d'un homme, Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Et nous savons qu'est-ce qui est arrivé plus tard. Alors que Ésaü pouvait pleurer devant son père, que n'y a-t-il pas d'autre bénédiction encore que tu as réservée, tu peux me donner aussi. Mais c'était encore trop tard. Pourquoi? Parce que toutes les bénédictions étaient déjà parties du côté de Jacob. Qu'est-ce qui se passe? C'est à partir d'une décision que Ésaü a prise dans sa vie et ce qui lui est arrivé. Nous voyons dans Ruth, chapitre 1er, deux cas de personnes. Il y a Orpa, il y a Ruth. Elles étaient les femmes des fils de Naomi. Naomi, pendant qu'ils étaient à Moab, elle se rend compte, après la mort de son mari, la mort de ses deux fils, que l'Éternel a visité Bethléem, là où ils avaient fui à cause de la famine. Et Naomi prend une résolution, une décision, de faire quoi? De rentrer à Bethléem. Quand Naomi prend cette décision, ses belles filles disent, nous allons partir avec toi. Une bonne décision. Nous allons partir avec toi. Mais en cours de chemin, nous voyons Orpa qui s'est décidé de rentrer. Pourquoi? Parce que sa belle-mère lui a dit que rentre dans la maison de ton père. Parce que même si faut-il que j'aie des enfants maintenant, faut-il attendre à ce que ces enfants grandissent pour qu'ils deviennent vos maris. Il est mieux pour vous de rentrer. En d'autres termes, rentrez d'abord et vous pouvez trouver des personnes qui peuvent vous épouser demain après demain. Et la Bible nous dit que Orpa a pris la résolution de rentrer. Mais Ruth a pris la résolution d'avancer avec Naomi. Jusqu'à tel point que Ruth prend, déclare une chose. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je vais aussi mourir là-bas. Quelle décision, Ruth? Elle-même ne pensait pas que cette décision pouvait ramener plus dans sa vie. Parce que quand Ruth s'est engagée, s'est décidée de rentrer avec Naomi, la Bible dit que l'homme le plus influent de Bethléem l'a épousé, Boaz. Et au-delà de cela, l'histoire de la Bible nous dit même que Ruth est entrée dans la généalogie de Jésus. Mais Orpa, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est restée dans les oubliettes. La décision que nous prenons aujourd'hui influence et gouverne la qualité de notre vie. Bien-aimés, nous devons prendre de bonnes décisions dans notre vie. Même quand cela semblerait difficile, amer pour toi, amer à boire, difficile à supporter. Mais si c'est pour ton bien, prends-le. Prends-le, parce qu'elles influencent la qualité de notre vie. Un autre principe encore, c'est que le temps est un indicateur de vérification des décisions que nous prenons. Nous pouvons prendre la décision un jour ou aujourd'hui, mais dans le cours de temps, dans le fil de temps, nous allons nous rendre compte que si la décision était bonne ou elle était mauvaise. C'est après le temps où on s'est dit, si je savais, je ne pouvais pas me marier à un tel homme. Si je savais, je ne pouvais pas prendre une telle décision. Pourquoi après un temps? Donc nous pouvons bien prendre la décision aujourd'hui. Comprenons que le temps est là, qui va sanctionner, qui va révéler si la décision mérite à être félicitée. Si la décision était bonne ou elle était mauvaise. Nous devons faire attention, bien-aimés, aux décisions que nous prenons. Parce que le temps est là. Un autre principe, c'est que par rapport au temps que cela demande, par rapport au temps que la prise de décision demande, il y a deux types de décisions que nous devons prendre. Il y a les décisions qui sont immédiates. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux être exposé à quelque chose et je prends la décision dans l'immédiat. Mais il y a aussi des décisions pour lesquelles il faut réfléchir. Le problème, c'est que nous sommes la confusion entre les décisions à prendre dans l'immédiat et les décisions pour lesquelles il faut réfléchir, il faut prendre du temps. Et le comble, c'est qu'après avoir pris une décision qui nécessitait le temps long, on le prend dans l'immédiat, on regrette avec le temps. Un autre principe, c'est que face aux décisions sur le chemin de la vie, nous faisons face à plusieurs types de personnes. Le premier type de personnes, ce sont les personnes qui décident facilement et bien. Tu peux être dans cette catégorie. Tu décides facilement, mais tu décides bien. Quand nous sommes exposés face à l'Évangile, on peut décider immédiatement et on décide bien. Parce qu'on ne va pas regretter la décision que nous prenons. Et nous voyons dans Luc chapitre 5, verset 11. Il s'agit des premiers disciples de Jésus-Christ. La Bible dit, quand Jésus les a dit seulement de laisser tout et de les suivre, et dans l'immédiat, ils ont laissé les barques et ils ont suivi Jésus. Et je crois qu'ils n'ont pas regretté d'avoir pris cette décision-là. Mais au-delà des décisions que nous pouvons prendre facilement, des personnes qui peuvent prendre facilement des décisions, eh bien, il y a aussi des personnes qui prennent beaucoup de temps avant de se décider. C'est bon. On peut prendre beaucoup de temps avant de se décider. Mais si cela devient une habitude, ça peut aussi servir d'un handicap. Parce qu'il y a des décisions que tu pourras prendre si vite, mais tu regretteras le temps que tu as pris pour prendre une telle décision. Dans le livre des Juges, chapitre 5, verset 16, il est question de Déborah, le juge. Il appelle les hommes vaillants, les hommes de guerre, les Jephthé, pour délivrer leur pays, leur territoire. Mais la Bible dit qu'ils ont pris une décision sans fin. Ils ont pris du temps. Du temps. Alors que les territoires étaient sous menace. L'urgence s'est présentée, mais ils ont pris encore beaucoup de temps. Il est vrai que ce matin, bien aimé, l'urgence se présente pour ta vie, pour ma vie. Et qui ne nécessite pas beaucoup de temps pour prendre la décision. Mais qui nécessite, dans l'immédiat, que nous puissions prendre la décision. Et c'est là pour l'avantage et l'intérêt de notre avenir. Une autre catégorie de personnes sont les personnes qui n'aiment pas se décider. Ou qui ne savent pas se décider. Ces personnes ne savent pas se décider. Elles ne prennent jamais de décision. Quand tu lui demandes, est-ce qu'il y a-t-il une décision que tu peux prendre là? Bon, je ne sais pas quelle décision je peux prendre. Elles ne savent pas prendre la décision. Mais les gens de ce monde disent qu'il ne dit mot qu'on sent. C'est qu'on peut dire que l'absence de la prise d'une décision peut constituer aussi une décision. Et là, on va subir les conséquences. Donc, il est mieux qu'elles en prennent de décision. Mais une autre catégorie de personnes, c'est que ce sont les personnes qui ne savent pas tenir sur leurs décisions. Le matin, il a une décision X. À midi, il a une décision Y. Généralement, on les appelle les indécis. Les gens qui ne savent pas tenir sur leurs décisions. Et les recherches montrent que plus de 80% de telles personnes finissent par prendre des mauvaises décisions. Pourquoi? Parce qu'ils prennent toujours des décisions dans la précipitation, à la hâte, et ils ne savent pas se tenir sur cette décision. Tu avais la décision de faire le droit, mais parce que tu es entré en contact avec ton ami, il t'influence et directement, tu changes. Or, Dieu t'a convaincu que tu fasses le droit. Et tu finis par prendre une mauvaise décision que tu vas regretter avec le temps, notre indicateur. Tu as décidé, je disais au premier culte, d'aller à Sake. Mais parce qu'un ami arrive, directement tu changes la décision. Pour dire non, je vais d'abord à Routchour. On peut d'abord aller à Routchour et tu y vas. Le problème c'est que tu ne sais pas tenir sur une décision. Et tu vivras les conséquences de ne pas tenir sur une décision. Alléluia. Et une autre catégorie de personnes, ce sont les personnes qui laissent les autres décider à leur place. C'est très dangereux. Quand tu laisses quelqu'un décider à ta place, tu laisses un frère, une sœur décider à ta place, c'est un problème. La plupart des fois, on le voit quand on est dans les fiançailles, vous allez voir une sœur, un frère lui a demandé la main et elle va d'abord consulter ses amis pour dire, tel frère-là m'a demandé la main. Et on se pose... Et la question qui va venir, est-ce qu'elle a un véhicule? Elle a déjà une maison, une parcelle? Non, elle n'a pas cela. Laissez-les. Et toi, tu prends la décision de dire, j'abandonne, je rejette le frère, alors que c'était lui le mari de ta vie, la femme de ta vie. Pourquoi? Parce que tu laisses les autres de décider à ta place. Bien-aimés, ne laissons pas les autres décider à notre place. Mais prenons toujours le temps de décider par rapport à notre vie. Je connais quelqu'un, quand il voit le mal dans la vie ou dans la famille de l'autre, il peut venir avec des décisions. Et il veut que la personne dans ce foyer, dans cette famille, adhère à sa décision. Le problème, c'est que quand tu prends une telle décision, tu la prends en fonction de celui qui t'a influencé, mais ce n'est pas ta décision. Et c'est lui ou la personne qui va subir cela, c'est toi. Parce que la prise de décision a double facette, le privilège et la responsabilité. Qui va assumer cela? C'est toi. Ce n'est pas l'autre qui t'a influencé. Tu vas voir quelqu'un, tu lui parles de la part de Dieu. Il te dit, je vais d'abord demander à la famille, parce que nous étions nés dans telle religion, dans telle autre religion. Mon père ne voudra pas entendre que je suis allé dans une telle autre religion. Le problème, c'est que qui va subir les conséquences, ce n'est pas ton père, mais c'est toi qui vas subir les conséquences. Un autre principe attaché aux décisions, c'est que les décisions produisent des conséquences. Nous avions dit au départ, elles peuvent produire des conséquences négatives qui peuvent être réparables. Mais attention, ces décisions peuvent aussi produire des conséquences irréversibles. Réfléchissons-nous de la manière dont nous prenons des décisions. Nous voyons le fils prodigue qui a pris la résolution d'aller bousiller son argent. Il a demandé son héritage et il est parti. Arrivé là-bas, il a tout consommé, il a tout bousillé. Mais gloire à Dieu et grâce pour lui, il s'est retrouvé, il a dit, je veux rentrer vers mon père. Et je pourrais mieux vivre chez mon père. C'était sa grâce. Mais il y a aussi des gens qui prennent des décisions dont les conséquences deviennent irréversibles. Nous avions vu avec Ésaü, qui a pris la décision de vendre son droit d'aînesse. Nous avions vu aussi le roi Saül, qui a décidé un jour, et il a perdu la royauté, en remplacement de David. Il y a des décisions que nous pouvons prendre, qui peuvent produire des conséquences irréversibles. Combien on n'a pas entendu de gens dire qu'on a exposé la parole à quelqu'un, et cette personne a dit, je me déciderai plus tard. Mais qu'est-ce qui est arrivé? En sortant, il a connu l'accident et elle est morte. Irréversible, irréparable. Mais elle a pris la décision de ne pas donner sa vie au Seigneur Jésus. Mais quand il est parti, elle est partie, elle a connu l'accident et c'était fini pour lui. Faisons très attention aux conséquences irréversibles. Le dernier principe, c'est que malgré l'accompagnement de gens importants, parce qu'on peut être accompagné par de personnes importantes, des personnes que nous considérons, mais il arrive de temps où nous devons prendre la décision seule. Alléluia. Il arrive de temps où nous devons prendre la décision seule. La Bible est en train de parler dans Galates, chapitre 1, verset 16. Il s'agit de Paul. Il est en train de montrer comment, quand il avait rencontré Christ sur le chemin de Damas, et Christ lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Nous connaissons l'histoire. Mais Paul dit à l'église de Galates que je n'ai pas consulté ni le sang, ni la chair pour une telle décision. Il prend la décision seul, parce qu'il voit l'urgence de cette décision. Mais quand nous lisons Marc chapitre 5, nous avions lu, nous voyons l'histoire de Jaïris. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, Jaïris? Au départ, nous devons d'abord comprendre qui était Jaïris. Jaïris était un chef de la synagogue. Jaïris était dans la prise de décision dans la synagogue. Parce qu'une synagogue était dirigée par 5 personnes, de manière collégiale. Mais parmi les 5 personnes, il y a une personne qui est au-dessus de ces 4 personnes, qui était le chef. Et les commentateurs de la Bible, ils disent que Jaïris était le chef. C'est qu'il était au top de la gestion de la synagogue. Or, la synagogue avait comme raison l'enseignement, mais elle avait comme raison aussi la reconnaissance ou l'ensemble des enfants d'Israël ou des Juifs. Parce que ceux qui entraient dans la synagogue étaient des Juifs. Et Jaïris est arrivé jusqu'à ce niveau-là. À faire quoi? À gérer la synagogue. Mais la Bible nous dit, lorsque Jaïris, sa fille était tombée malade, elle a pris la résolution d'aller vers Jésus. Donc des choses que Jaïris a faites. Jaïris a pris la décision d'aller vers Jésus, lui présenter son problème, lui présenter sa situation. Mais aussi, Jaïris s'est prosterné devant Jésus, symbole d'humilité. Mais Jaïris, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que les Juifs se sont convenus de ne pas reconnaître Jésus pour Christ. Tu sais que les Juifs se sont convenus de ne pas reconnaître Jésus comme le Messie. Mais toi, en tant que gestionnaire, chef de la synagogue, donc ayant pris aussi cette décision de ne pas reconnaître Jésus pour Christ et pour le Messie, mais tu acceptes d'aller chercher Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il voit l'importance de chercher Jésus. Bien-aimé, il est vrai que nous pouvons occuper une telle position dans la vie. Nous pouvons bien occuper une telle position, une bonne position dans la société, dans l'organisation. Mais quelle que soit ta position, tu seras limité, tu as besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus, quelle que soit la position que je peux occuper. Notre pasteur, le pasteur Richard, pouvait dire dans son intervention il y a une semaine qu'on a besoin de Jésus pour aller loin. Tu veux aller loin avec Dieu, tu as besoin de Jésus, de s'appuyer sur Jésus. Jaïris a vu l'importance de Jésus dans sa vie. Bien-aimé, est-ce que nous nous rendons compte de l'importance, de la nécessité d'avoir Christ dans notre vie? C'est vrai que tu peux appartenir dans une religion, dans une organisation ecclésiastique, mais cela n'est pas la fin. Cela n'est pas une solution. La solution, c'est que tu dois avoir Christ. Tu dois décider pour Christ. Je dois décider pour Christ. Pour qui ou pourquoi je décide? C'est la question qu'on peut se poser. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'imagine que Jaïris, avec tout son rang, parce que la Bible le dit, que alors qu'il continue à importuner le maître, il y a les gens qui sont venus de sa maison et qui sont venus vers lui pour dire « Cesse d'importuner le maître ». Il est possible que même dans la foule, tellement que Jésus était entouré d'une grande foule, alors que Jésus avait décidé d'aller vers la maison de Jaïris, il est possible qu'il y ait des gens qui les connaissaient là-bas et qui pouvaient peut-être lui poser la question en disant « Et cet homme aussi va voir Jésus ?» Oui, c'est possible. Tu peux bien avoir des gens qui t'entourent et qui se rendent compte ou qui réalisent que le fait de s'approcher de Jésus, c'est une perte de temps. Le fait de décider pour Christ, c'est une perte de temps. Et ils peuvent te dire, à ton rang, toi aussi tu veux aller à l'église et t'agenouiller là-bas. Non, tu es un grand homme. Tu es une grande dame. Mais le problème, c'est que ces gens qui peuvent t'entêter dans cette situation, ils ne vivront pas les mêmes conséquences avec toi. Ils vivront leurs conséquences individuellement. Parce que la décision, dans sa facette responsabilité, nous conduit à s'assumer des conséquences. Des conséquences. Jaïris s'est décidé de chercher Jésus. Jaïris s'est aussi prosterné devant Jésus. Bien-aimé, on peut bien être dans l'église, mais à un certain moment, il faut s'arrêter. Nous l'avons dit à l'introduction. Il faut s'arrêter et voir comment je suis en train de mener ma vie. Est-ce que je suis dans les bons? C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un prendre une décision que vous-même, vous ne pouvez pas comprendre. Il se décide d'abandonner une mauvaise vie qu'il menait. Il se décide de laisser ce qui les conduisait vers la mort. Parce que la Bible dit dans Romains, chapitre 8, verset 9, que mais vous ne vivez pas selon la chair, mais vous vivez selon l'Esprit qui habite en vous. Si, dis-moi, l'Esprit de Dieu habite en vous. Dès lors que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. C'est que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous ne marchons plus selon la chair. La Bible dit, dans Romains toujours 8, il dit l'affection aux choses de la chair, c'est la mort. Mais l'affection aux choses de l'esprit, c'est la vie. Devons-nous choisir la mort à la place de la vie? Je ne pense pas. Ce qui est important, c'est de choisir d'aller avec Christ ou de marcher avec Christ. C'est-à-dire, on peut se décider pour Christ. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. Tu te décides de donner ta vie à Christ. Mais aussi, tu peux te décider pleinement pour Christ. C'est-à-dire, par rapport à ma vie, comme j'étais en train de mener, je me décide de faire quoi? D'arranger ma vie avec le Seigneur. C'est ce que la décision de Jaïris nous enseigne. Bien-aimé, la décision de Jaïris nous enseigne qu'on peut perdre une chose importante dans le monde, mais on peut le récupérer au centuple dans le Seigneur. Parce que tout ce que nous perdons dans le monde, le diable nous place dans un piège de nous montrer que c'est plus important que ce que Jésus peut te donner. Or, c'est faux. Pierre est en train de demander à Jésus, qu'est-ce que nous aurons, nous qui t'avons abandonné, t'avons suivi? La Bible dit, Jésus a dit, d'abord sur la terre au centuple, et après quoi? La vie éternelle. Ne pensons pas que nous allons perdre le temps en cherchant ou en nous décidant pour Jésus, en nous décidant de marcher avec Jésus. C'est vrai, Jaïris a perdu probablement, même si la Bible ne le dit pas, il est possible qu'il a perdu sa position de chef de la synagogue, mais il a gagné la vie de sa fille. Les Juifs disent que tout quiconque qui va reconnaître Jésus pour Christ va être exclu, va être excommunié de la synagogue. Dans Jean chapitre 9, nous voyons cette famille, donc les parents de l'enfant qui était né aveugle. La Bible dit, pendant que les Juifs, les pharisiens venaient faire l'enquête sur comment l'enfant était guéri, ils ont posé la question aux parents. Ils ont dit, vous reconnaissez que celui-ci, c'est votre fils? La Bible dit, oui, nous reconnaissons. C'est ce que les parents ont dit. Mais comment voit-il alors qu'il est né aveugle? Les parents se sont trouvés dans, dans une étape où ils sont exposés à être exclus de la synagogue, au lieu de dire que c'est Jésus qui lui a guéri, qui lui a fait recouvrir la vie, ils refusent, ils disent non, il est grand, il est majeur, il a de l'âge. Tu peux lui demander, vous pouvez lui demander lui-même, il peut se justifier. Pourquoi? Parce que les parents étaient en train de préserver leur position dans la synagogue. Bien-aimés dans le Seigneur, ne voyons pas l'avantage des choses que nous faisons aujourd'hui, mais voyons beaucoup plus l'avantage de ce que Jésus nous réserve. Tout ce que nous avons perdu dans le monde, nous le récupérons en Jésus. La Bible dit dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, il s'agit de l'histoire d'Abraham. Dieu, l'Éternel dit, quitte ton pays, ta patrie, quitte la maison de ton père, et je ferai de toi un nom grand. Aujourd'hui, on parle de qui? D'Abraham. Les attitudes que nous pouvons avoir, bien-aimés, c'est les attitudes de se confier, de se décider totalement à Jésus. De se décider pleinement pour Christ. Nous voulons faire des appels, bien-aimés, ce matin. Il est possible que tu es là. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. Ne tarde pas. La chance t'est donnée ce matin. Pas pour te faire peur, mais je ne sais pas ce qui nous attend demain après-demain. Il est possible que tu aies donné ta vie au Seigneur. Mais la manière dont tu marches, la manière dont je marche dans le Seigneur, ne reflète pas ce qu'un enfant de Dieu devait faire. Nous ne savons pas non plus ce qui nous attend demain. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Quelque chose de mal peut nous arriver en sortant de ces lieux. Mais nous aurions déjà pris une bonne résolution. À tes résolutions répondra le succès. Bien-aimés, lèvons-nous. Toute l'église, nous nous lèvons, nous voulons prier le Seigneur. Chacun de nous sera en train de voir sa vie. J'ai dit, nous voulons faire des appels. Le premier appel, c'est par rapport à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus. Mais aussi le deuxième appel, c'est par rapport à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Mais donc, il y a quelque chose qu'il faut arranger avec Dieu. Prends la résolution aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui. De revenir pleinement et décide-toi pleinement pour Christ. Et nous invitons le pasteur pour prier avec l'ensemble. Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Acclamons bien Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous soutient et qui nous fait du bien. J'aimerais prier avec ceux qui ont donné leur vie à Jésus. La décision ce matin de donner votre vie à Jésus, est-ce que vous pouvez lever la main là où vous êtes? J'aimerais prier avec vous. Vous avez décidé de donner votre vie à Jésus? Levez votre main simplement là où vous êtes. Et vous allez me suivre dans cette prière. Vous allez dire, Seigneur, mon Dieu, je me recommande à toi. Et je me confie à toi. Je m'abandonne simplement à toi. Et je prie que ma vie soit simplement prise en charge par toi. Merci, mon Dieu, de m'introduire dans la famille de Dieu. Merci de faire de moi ton fils et ta fille. Et que ma vie soit une vie nouvelle. J'aimerais que toute l'assemblée nous puissions prier Dieu. Se décider est un acte qui détermine même là où vous passerez votre éternité. Chacun va prier. prie pour toi-même. Demande à Dieu de t'aider. Il y a une décision que tu dois prendre. Il y a une décision que tu dois prendre par rapport à ce que Dieu te dit dans ton cœur. Il y a une décision que tu dois prendre par rapport à ton appel. Il y a une décision que tu dois prendre par rapport au service pour Dieu. Il existe une décision que tu dois prendre par rapport à ta consécration à Dieu. Il est possible que ce matin, tu dois prendre une décision par rapport à ta famille. La qualité de la vie de ta famille dépend de ce que papa et maman, tu peux prendre comme décision. Alléluia. Merci notre Dieu. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Des hommes et des femmes ont donné leur vie à toi ce matin. Je demande que tu le soutiennes dans ce nouveau parcours de leur vie. La meilleure décision qui soit prise dans la vie, c'est celle de donner sa vie à Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu et mon roi, par moments nous rencontrons des faiblesses dans notre marche chrétienne. Et ce matin, quelqu'un prend la résolution de se détourner de ces mauvaises voies. Je prie pour l'ensemble de l'Église. Que le Saint-Esprit de Dieu amplifie cette parole dans notre cœur. Jette comme la lumière sur notre cœur, afin que chacun d'entre nous comprenne